J'ai perdu ma route, loin de ma maison. Je n'ai même pas sauvé mon nom. J'ai vendu mes bottes, mes blue jeans aussi. Pense un peu à moi dans ta vie. Dans ta vie.